Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Oh vous les gens, les signes qui témoignent de la baisse de foi, ont certes frappé avec redondance, dû à l'accumulation des péchés et des désobéissances. Islahul Umma, réformation de la communauté. Et ce qui nous intéresse ici est que c'est la diminution de la foi qui fait que l'être humain fléchit et régresse dans la pratique de son culte. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Ainsi, si la foi de la personne venait à s'affaiblir, elle désobéira inévitablement et commettra des péchés. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Les soucis, la tristesse, le fait de se sentir incapable, la paresse, l'avarice, toutes ces choses pourrissent la foi et l'affaiblissent. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Et les gens sont de différents degrés en ce qui concerne l'affaiblissement de la foi. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Regarde donc ainsi comment Allah subhanahu wa ta'ala décrivit l'état de celui dont la foi est complète et comment est son obéissance et sa soumission. Et regarde l'état de celui dont la foi est basse, comment ce dernier s'esquive et également son insubordination et son insoumission, la façon avec laquelle il joue avec la religion d'Allah. Sermon numéro 33. Min madahiri dhafil iman. Parmi les signes apparents de la faiblesse de la foi. Fais donc en sorte que tes passions, tes envies, tes objectifs, ainsi que tout ce que tu envisages et souhaites, soient en conformité avec la vérité et la sunna, ainsi que tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre saint, le Coran, « Yuridu Allah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum » Allah veut vous exposer clairement la vérité et vous guider vers les sentiers de ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire, vous guider vers leur voie à suivre. Les sentiers des gens pieux parmi les prophètes, les envoyés, les martyrs et les véridiques. Et quel bon compagnon que ces gens-là. Voilà donc le sens de la parole du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, à l'attention de ses serviteurs, les êtres humains. Et il leur a montré cela, et il leur a clairement exposé. Et Allah veut d'eux qu'ils se repentent, sachant d'eux, de par sa science, subhanahu wa ta'ala, qu'ils commettent des péchés de nuit comme de jour. Comme cela est évoqué dans le récit Qudsi, dont la parole émane d'Allah, d'après Abu Dharr et rapporté par Muslim, rahimahullah, Allah Azza wa Jalla y a en effet dit, « Ô mes serviteurs, vous commettez assurément des péchés de nuit comme de jour, et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. » Donc le but visé par Allah, et ce qu'il attend de ses serviteurs, est qu'ils se repentent. Et Allah se réjouit de leur repentir. Certes, Allah se réjouit du repentir de son adorateur parmi vous, comme se réjouit celui qui retrouve sa monture dans une contrée lointaine après l'avoir égarée, comme cela est rapporté dans le récit prophétique. Mais il y en a parmi les gens qui souhaitent que l'être humain court à sa perte et ne retourne pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne souhaite qu'il accepte leur appel ainsi que les évidentes preuves lorsque ceux-ci viennent à lui. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Alors que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez grandement vers l'égarement comme eux. Donc toute personne qui penche vers l'égarement et le faux cherche naturellement à égarer autrui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes habillées en apparence mais qui sont en réalité des vêtues, qui penchent vers la débauche et qui incitent à la débauche. Nul doute donc que toute personne qui penche vers l'égarement aspire à faire incliner les gens vers ce sur quoi elle est, selon ses capacités à fournir des efforts pour éloigner les gens de la guider. Et toute personne égarée est un égareur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah n'enlèvera pas la science en la ôtant des poitrines, mais plutôt en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne restera plus de savants. Les gens prendront alors à leur tête des ignorants, vers qui ils reviendront et poseront leurs questions. Ceux-là y répondront alors et émettront leur fatwa sans science. Ils s'égareront ainsi et égareront les gens avec eux. Cela prouve que celui qui se sera égaré a une part de responsabilité dans l'égarement des gens, que cette responsabilité soit petite ou grande. Et Allah Azza wa Jalla a dit « قَدْ ضَلُّ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ » Ceux qui se sont jadis égarés et qui ont égaré beaucoup de monde et qui ont dévié de la droiture du sentier. Et notre preuve dans ce verset, ainsi que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا, alors que ceux qui suivent leur passion veulent que vous incliniez, n'est pas le simple fait de s'incliner, mais que ces derniers cherchent à ce que les gens penchent grandement vers l'égarement et le faux et de manière manifeste, comme s'étaient inclinés ceux qui vécurent avant eux. أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, que vous vous incliniez grandement vers l'égarement comme eux. Allah Azza wa Jalla a ainsi su que celui qui se sera soumis dans l'état dans lequel il est aura beaucoup d'ennemis à cause de son amour pour les croyants et de ce qu'Allah a su comme bien en lui. Il n'empêche qu'il existe des gens qui souhaitent le faire pencher vers l'égarement de manière apparente et cachée, comme Shaitan, le diable et autres que lui. Allah subhanahu lui a légué ainsi son devoir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allah an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Alors que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez grandement vers l'égarement comme eux. Allah ne veut que vous allégiez vos devoirs, car certes l'être humain a été créé faible. Voilà donc comment est l'homme à la base, à savoir faible. Que cela concerne sa faiblesse face à la femme, comme s'explique ce verset et d'autres. Car l'homme est effectivement faible devant la femme, vraiment faible. Je n'ai pas vu de créature dont la raison et les devoirs religieux ont été réduits, qui font perdre la raison de l'homme résolu et ferme, que ne l'est l'une d'entre vous. Tel que l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il en est de même pour les autres passions, qui peuvent affaiblir l'homme. Car à la base, l'être humain est faible. Et l'être humain a été créé faible. Et parmi ceux à travers quoi Allah subhanahu expose à cela, il y a son faible état lors de sa création. Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. Allah, c'est lui qui vous a créé au début faible, le nouveau-né, puis qui fit de ce faible un être vigoureux, la personne adulte, puis qui fit de cet être vigoureux un être faible et vieux, la personne âgée. La faiblesse est ainsi ancrée en lui depuis son plus jeune âge, depuis les premiers instants de sa vie jusqu'au dernier, passant d'un état de faiblesse à un autre état de faiblesse. Et même durant sa période de vigueur, à partir de son adolescence, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge mûr, la faiblesse ne cesse pas pour autant de le suivre. La faiblesse humaine et corporelle sous différents aspects, que cela soit à travers son insuffisance, du fait de ne pouvoir se suffire à lui-même, ou sa pauvreté. Ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ô vous les hommes, c'est vous les indigents qui êtes dans le besoin d'Allah, tandis qu'Allah, c'est lui l'immensément riche, qui se dispense de tout, le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait tous disparaître et ferait surgir une toute nouvelle création. Ainsi, la faiblesse est attachée à l'être humain et ne cesse de l'accompagner. Quand bien même celui-ci jouirait pleinement de ses capacités physiques et de sa force, il demeurera néanmoins cet être faible, quel que soit l'état dans lequel il se trouvera. La fatigue, la migraine et la fièvre le feront suer, et d'autres maladies aussi l'affaibliront et l'épuiseront de son énergie et le rendront misérable, contraint dans le besoin de son Seigneur pour toutes ses affaires et dans tous ses états. Et Allah a certes su cela de ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla a en effet dit: Ya ayyuhan nabi, harrid al mu'minina 'ala al qital, in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Ô toi le prophète, incite les croyants au combat. Si certains parmi vous étaient au nombre de 20 endurants, ils en vaincraient alors 200 parmi l'ennemi. Un seul homme qui en combat 10. C'est ainsi qu'Allah décréta. Car il légifère au début de l'islam qu'il était obligatoire pour le seul croyant d'affronter 10 personnes parmi leurs ennemis. Il dit ensuite: In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Si certains parmi vous étaient au nombre de 20 endurants, ils en vaincraient alors 200 parmi l'ennemi. Et s'ils étaient au nombre de 100, ils en vaincraient 1000 parmi les mécréants, car ce sont des gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire les mécréants. Car il s'agit de gens qui n'ont aucun intellect, tandis que le croyant a de la compréhension et de la foi, ainsi que la force de patienter et d'endurer. Grâce à cela, le croyant se sent capable et a de la réussite provenant d'Allah, ainsi qu'une aide et un soutien pour faire face à 10 personnes. Puis la tâche leur fut allégée après cela. Allah dit ainsi: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. À présent, Allah vous a allégé votre tâche, car il a su qu'il y avait de la faiblesse en vous. Ainsi, si certains parmi vous étaient au nombre de 100 endurants, ils en vaincraient alors 200 parmi l'ennemi. Et s'ils étaient au nombre de 1000, ils en vaincraient 2000 par la volonté d'Allah, et Allah est avec les endurants. Par la volonté d'Allah, cela avec la permission d'Allah. Ainsi, s'il le lui permettait et qu'il lui accordait la réussite et lui apportait son soutien, puis qu'il se maintenait dans cet état, il devra faire face à deux fois plus nombreux que lui. Et ceci, malgré sa faiblesse, si ce n'est que la foi, d'elle en découle de la force et d'elle en résulte de la détermination et de la ferme résolution, comme celle qui est exigée lors des affaires importantes. De plus, Allah Azza wa Jalla met dans la foi ainsi que dans ses partisans de la baraka, de la bénédiction. C'est pour cette raison que l'ordre d'affronter plus nombreux qu'eux est resté inchangé. changé, à savoir qu'un seul croyant devait faire face à deux hommes parmi l'ennemi. Et notre preuve dans toute cette argumentation concerne la faiblesse humaine que tout homme a en lui, et que cela constitue la base chez lui. Que cela soit en rapport avec sa nourriture et sa boisson, de même que son corps, son apparence et son intérieur, quelle que soit sa vigueur et sa robustesse, il restera cet être faible et il ne cessera de le rester. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit de cette faiblesse une source de préjudice pour l'être humain, comme cela est le cas à propos de la faiblesse de la foi. Ainsi, si la foi de la personne venait à s'affaiblir, elle désobéira inévitablement et commettra des péchés. Et Shaitan, le diable, jettera alors son emprise sur lui, relativement à sa faiblesse. Et les gens sont de différents degrés en ce qui concerne l'affaiblissement de la foi. Il y en a certains parmi eux dont la foi ne s'affaiblit que peu, tandis que d'autres qui ont une foi qui s'affaiblit beaucoup. Et il en est même certains dont la foi diminue jusqu'à disparaître complètement. Et ce qui nous intéresse ici est que c'est la diminution de la foi qui fait que l'être humain fléchit et régresse dans la pratique de son culte, et que son cœur perd de sa force, devient paresseux et s'engourdit quant à l'accomplissement d'obéissance pour son maître. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recherchait la protection d'Allah contre cela. Je recherche ta protection contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, l'avarice et la trouillardise. Toutes ces choses font partie des signes qui indiquent qu'une foi est faible. Les soucis, la tristesse, le fait de se sentir incapable, la paresse, l'avarice, toutes ces choses pourrissent la foi et l'affaiblissent. C'est pour cette raison que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recherchait la protection d'Allah contre elle. Et Shaitan se réjouit lorsque l'être humain s'attriste, liyahzuna alladhina amanu, afin que s'attristent ceux qui ont la foi, dans le but que sa foi s'affaiblit et diminue. Et il se réjouit aussi lorsqu'il devient paresseux. Tout ceci est un objectif visé par Shaitan et une porte ouverte qui lui permettra par la suite de jeter son emprise sur l'homme. Et médite sur la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyuna kathir. Et combien de prophètes avec qui de nombreux compagnons ont combattu, c'est-à-dire beaucoup de gens parmi ceux qui les suivirent. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Ces derniers ne fléchirent point à la suite de ce qu'ils avaient subi dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent aucunement. Et Allah aime les endurants. Allah conclut ainsi après cela par sa parole, وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et Allah aime les endurants, et ils ne prononcèrent comme parole que, Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos agissements, et affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les gens mécréants. La faiblesse accompagne donc l'être humain. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. Si une blessure vous atteint, sachez alors que pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais sur les gens. وعلم أن فيكم ضعفا, car il a su qu'il y avait de la faiblesse en vous. Ceci dit, Allah a fait l'éloge de ces gens pour avoir combattu aux côtés de ces prophètes précédemment évoqués. Et leur foi ne cessa d'être forte malgré ce qu'ils avaient atteint comme préjudice de la part des ennemis d'Allah. Et cela les mena par la grâce d'Allah à ce que فَمَا وَهَنُوا, ces derniers ne fléchirent aucunement. La force de leur foi s'était malgré tout fermement maintenue à eux. وَمَا ضَعَفُوا, et ils ne faiblirent pas, leur foi demeura forte. Et ils ne cessèrent d'être tenaces face à leurs ennemis, car de leur foi il en avait découlé de la part d'Allah un soutien en leur faveur ainsi qu'une bénédiction. وَمَا اسْتَكَانُوا, et ils ne cédèrent aucunement. Cela aussi et la majorité des plaintes des gens dans ce genre de situation concerne le fait de céder face à l'ennemi. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, et Allah aime les endurants. Allah fit ainsi leur éloge pour la foi qu'ils avaient eue qui était fondée sur leur patience et leur endurance dans l'obéissance d'Allah et le fait de s'éloigner de son insoumission, de même que dans l'acceptation de son décret. Ô vous les gens, les signes apparents de la faiblesse de la foi ont certes augmenté. Il incombe donc de remédier à cela à l'aide du livre d'Allah, le Coran, et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique. Ainsi, parmi ce qui caractérise cet affaiblissement et qui fait aussi partie de ses fondements, il y a le fait de ne pas juger avec le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ainsi les gens penchés vers le fait de juger selon ce qui ne permet pas de compléter la foi, mais qui au contraire fait partie des bases et qui est le principe même de son affaiblissement, son accablement, de même que son anéantissement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » Et ils disent « Nous croyons en Allah et au messager et nous avons obéi. » Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face, et ceux-là ne sont point des croyants. Quiconque donc revient sur ses pas concernant le statut de la législation d'Allah et le fait de juger selon son livre et la sunna de son messager, ce sera là un signe apparent de la faiblesse de la foi. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Et quand on les appelle à Allah et à son messager afin que ce dernier juge parmi eux, voilà que certains d'entre eux s'y opposent. Il s'agit là d'un autre signe distinctif de diminution de la foi, à savoir le fait de s'opposer au commandement d'Allah. Ainsi, lorsque ce genre de personne est appelé à y revenir pour juger de ses affaires, en sachant que cela sera à son avantage, il s'en réjouit et se presse. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ Et lorsque la vérité est avec eux, ils se pressent d'y revenir en étant soumis. Cela, dans le cas où la vérité était avec lui et qu'il avait raison, il se mobilise alors et se démène dans tous les sens pour régler son contentieux. En revanche, si les torts étaient de son côté, cela ne lui plaît pas. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Y a-t-il une maladie dans leur cœur, ou plutôt doutent-ils, ou bien craignent-ils qu'Allah soit injuste envers eux ainsi que son messager? Mais non, ce sont plutôt eux les injustes. Puis il nous informa de l'état des véritables croyants et de leur comportement dans cette situation. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Alors que la parole des croyants, lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager, afin que ce dernier juge parmi eux, devrait être, nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Voici donc exposé le cas de celui qui a une foi complète, de même que celui dont la foi est incomplète, relativement à ce que ce dernier a comme manquement dans sa pratique de la religion. Regarde donc ainsi comment Allah subhanahu wa ta'ala décrivit l'état de celui dont la foi est complète, et comment est son obéissance et sa soumission. Et regarde l'état de celui dont la foi est basse, comment ce dernier s'esquive, et également son insubordination et son insoumission, la façon avec laquelle il joue avec la religion d'Allah. Si la vérité est avec lui, il l'accepte, mais si elle est en sa défaveur, il la conteste. Ceci ne correspond absolument pas à la description du vrai croyant. Allah a dit wa ma kana مؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Et il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, après qu'Allah et son messager ont jugé à propos d'une affaire, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire qu'il est formellement interdit à n'importe quel croyant ou croyante, une fois qu'Allah et son messager ont tranché au sujet d'une affaire, qu'il décide lui-même comme bon lui semble. Bien au contraire, il lui est obligatoire dans cette situation de se plier au jugement d'Allah en toute soumission et par obéissance. Sinon, sa faible foi le poussera indubitablement à ne pas se soumettre au commandement d'Allah. Allah a dit « Fala wa rabbik » « Oh que non, par ton Seigneur !» Allah jura ainsi d'un jugement solennel. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Oh que non, par ton Seigneur, ils n'auront véritablement pas la foi jusqu'à ce qu'ils te demandent de juger de leur dispute. À la suite de quoi, ils n'auront ressenti aucune gêne quant à ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront totalement à ta sentence. Même une quelconque gêne, il n'en ressent pas. Il en est ainsi. Il y répond plutôt avec soumission, l'âme tranquille, le cœur apaisé et l'esprit serein. Tout ceci pour Allah. Ses passions tout entières sont ainsi soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il venait à ressentir au fond de lui-même l'inverse de ce qu'Allah a évoqué dans le Coran comme signe distinctif de rébellion et d'excitation après qu'Allah et son messager eurent tranché sur son affaire en cherchant à changer le jugement, s'y opposer ou se dérober, tout ceci fait partie des signes manifestes de la faiblesse de la foi. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا N'as-tu pas vu, ô toi Muhammad, ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre sur toi, ainsi que ce qu'on a fait descendre avant toi, ces derniers veulent juger de leurs affaires selon le Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors qu'il leur a été commandé d'y mécroire. Mais Shaytan ne veut, à travers cela, que les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois alors les hypocrites s'écarter loin de toi. C'est là un signe évident et clair, nul doute là-dessus. Cela n'est dû qu'à la faiblesse de la foi et à l'encensement de l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre explicite « Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » Certes, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui ne doutent point. Ainsi, parmi ceux qui témoignent d'une foi faible, il y a le fait de douter sur cette religion de droiture et de ne pas s'en contenter totalement, en prétextant que cela lui causerait quelques préjudices, et également le fait de se précipiter à se tourner vers les mécréants et d'aller les rejoindre dès que ces derniers se montrent plus forts que les musulmans, comme Allah subhanahu l'a dit يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ Les hypocrites se précipitent vers eux, les mécréants, en disant « Nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe. » Qui sait ? Peut-être qu'Allah apportera la victoire ou un ordre émanant de lui qui les fera regretter leurs pensées secrètes. Ô vous les gens, les signes qui témoignent de la baisse de foi ont certes frappé avec redondance, dû à l'accumulation des péchés et des désobéissances, ainsi qu'au grand nombre de transgressions et à l'absence de soumission. Par Allah, il n'aura pas la foi. Par Allah, il n'aura pas la foi. Par Allah, il n'aura pas la foi. On dit alors, qui donc, ô messager d'Allah ? Il dit, celui dont le voisin n'est pas préservé de son mal. Cela ne veut pas dire qu'il sortira de la religion islamique, mais plutôt que sa foi sera faible, car du voisin, on est censé tirer comme profit et avantage du bien, de l'entraide, de l'assistance, un bon comportement, le fait d'être préservé de son mal, de même que des dons et des offrandes, et bien d'autres choses encore, comme bienséance. Mais au contraire, celui-là répond à tout ce bien par des mauvais agissements, de l'injustice et la recherche d'erreurs et de faux pas, de même que par l'espionnage et du voyeurisme. Il en est ainsi. Parmi les plus mauvais signes démontrant la faiblesse d'une foi, il y a ce qui a été évoqué dans le récit d'Abu Dharr, radiallahu anhu. Ô vous qui vous êtes soumis avec votre langue, alors que la foi n'a toujours pas pénétré votre cœur, ne cherchez pas à suivre les croyants jusqu'à dans leur intimité, et dans une autre version, à suivre les musulmans, et ne les humiliez pas, car celui qui cherche à connaître les choses cachées du musulman, on craint pour lui qu'Allah le démasque et l'humilie, quand bien même celui-ci se trouverait confiné en sa maison. Voyez-vous donc, aujourd'hui, comment chaque groupe et parti politique suit à la trace et espionne ses opposants, à l'affût de la moindre erreur ou faux pas. À raison ou à tort, injustement et avec animosité, chacun d'entre eux recherchant ce avec quoi il pourrait ternir l'image des autres et ainsi de suite. Tout ceci dans l'unique but de les faire tomber et d'éloigner les gens d'eux, espérant ainsi faire gagner son parti et faire perdre les autres. Voilà ce qui apparaît dans les journaux, les magazines, les émissions radio et les différents médias d'information au nom de la soi-disant politique, comme ils l'appellent. Alors qu'en réalité, tout ceci n'est que la conséquence d'une foi faible, évidente. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad, kama sallaita ala ibrahim, إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد Toutes les louanges sont à Allah, nombreuses, bonnes et bénies. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, prie sur Mohammed ainsi que sur sa famille, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, Abraham, tu es certes digne de louange et glorieux. Ô Allah, bénis Mohammed ainsi que sa famille, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es certes digne de louange et glorieux. Ô vous les gens, parmi les signes les plus apparents et manifestes, qui témoignent d'une foi basse en toute évidence, il y a le manque de pudeur entre les hommes et les femmes, sous toutes ses formes et en toute situation. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur fait partie de la foi, et la foi mène au paradis, et l'indécence est un signe d'un manque de foi, et le manque de foi mène au feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme réprimander son fils pour sa pudeur, comme s'il voulait que ce dernier soit plus extraverti et moins réservé comme il l'était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Et vous, vous voyez aujourd'hui l'état des gens, hommes et femmes, que cela soit dans leur tenue vestimentaire, ou leur façon de parler et de s'exprimer, lorsqu'ils se mélangent, de même que dans leurs faits et gestes, dus à leur manque de foi. Et il se peut qu'une femme soit habillée seulement jusqu'au-dessus de ses genoux, et que ses bras, le haut de sa poitrine, de même que sa tête soit entièrement découvert, et bien plus encore. Tout cela dû à sa désinvolture, son manque de pudeur, son absence de préservation des bonnes mœurs et coutumes, ainsi que son manque de préservation de sa pratique de la religion. Puis que celle-ci aille passer dans des émissions radio ou télé, ou que sa voix soit diffusée à travers les messages téléphoniques, ou qui hausse la voix en public et dans la rue en téléphonant, ou qui travaille à tel ou tel poste, ou qui s'engage dans l'armée, ou prend la fonction de telle ou telle direction, jusqu'à même devenir dirigeant ou occuper un haut poste dans un gouvernement, ou bien une autre qui est ambassadrice ou enseignant dans un établissement dans lequel est pratiquée la mixité, ou qui s'est engagée dans de longues études supérieures dans le but d'obtenir tel ou tel diplôme ou récompense qui sont décernés en fin d'études, ou bien autre chose encore comme calamité, tout ceci est la conséquence même du manque de foi qui constitue un des plus grands signes de la faiblesse d'une foi chez l'être humain dont a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez garde, ô vous les musulmans, de ce que vous voyez comme manque de pudeur, car la pudeur est en réalité un bienfait dans son intégralité, il n'en découle que du bien. Ainsi, tu ne trouveras pas un homme pudique sans que tu ne vois beaucoup de bien en lui, car il ne découle de la pudeur que du bien, comme en a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est également vrai pour la femme, ainsi que tous les gens. De la pudeur, il en résulte un bon comportement, et aussi le fait de retenir sa langue, qu'elle ne prononce de mauvaises paroles et de vulgaires propos, ainsi que de dire du mal. La pudeur permet de préserver son image auprès des gens, ainsi que son honneur et sa religion, hommes et femmes. Et si la pudeur venait à se perdre, tout le bien serait alors perdu, de même qu'une partie de la foi a des faut qu'elle ne se perde entièrement. Également, parmi les signes qui attestent d'une foi basse, il y a le faible amour envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car tu constates que nombreux sont ceux qui prétendent l'aimer, alors que peu de gens en réalité agissent en conséquence et mettent en application ce que cela implique parmi les gens des passions, les fauteurs de troubles et les semeurs d'ambiguïté. Alors qu'Allah nous a certes exposé comment prouver sincèrement son amour envers lui. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ô toi Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque sera alors véridique dans son témoignage d'amour envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa foi augmentera alors assurément. Voici donc la voie qu'il doit suivre, et voilà son test et sa mise à l'épreuve, et voilà également comment prouver sa sincérité dénuée de toute pseudo-déclaration mensongère vaine. Donc l'amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. Aussi, l'amour pour les Ansar, les Médinois qui lui portèrent secours, fait aussi partie de la foi. Tout comme l'amour pour les croyants fait partie de la foi. Et le manque d'amour pour tous ces gens est un signe de faiblesse de la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il aimera et souhaitera pour son frère ce qu'il aime et souhaite pour sa propre personne. Ceci ne signifie pas que s'il n'agit pas de la sorte, alors cela annulera sa foi et le fera sortir de la religion, mais plutôt qu'une faiblesse à ce niveau, au point de ne pas désirer le bien pour les croyants, que cela concerne la science religieuse et son apprentissage, ou que cela soit concrétisé par l'absence de conseils et de recommandations, de ne pas prodiguer des efforts dans l'accomplissement du bien et de la bienfaisance, ou de ne pas ordonner le convenable, ni ne blâmer le blâmable, tout ceci témoignera d'une foi faible, jusqu'à ne rester dans le cœur de l'individu que l'équivalent d'une particule insignifiante de foi. L'imam Muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques d'après Abu Sa'id radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aura été témoin d'un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa parole. S'il ne peut pas, qu'il le blâme intérieurement avec le cœur. Et ceci est le degré le plus bas de la foi. Le plus bas degré de la foi consiste donc, à ton niveau, à ce que tu sois témoin d'un mal et que ton cœur désapprouve ce mal. Mieux encore, qu'il le déteste et qu'il déteste son auteur pour Allah subhanahu. L'amour en Allah et la haine en Allah font partie de l'anse la plus solide de la foi, comme l'a ainsi dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du bien et de ceux qui l'accomplissent, et le fait de détester le mal et les gens qui en font. Donc si tu venais affaiblir à ce niveau, soigne alors ta foi et prends conscience que ta foi est faible. Et dans ce sens, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul n'aura véritablement la foi jusqu'à ce que ses passions soient conforme avec ce avec quoi j'ai été envoyé. Fais donc en sorte que tes passions, tes envies, tes objectifs, ainsi que tout ce que tu envisages et souhaites, soient en conformité avec la vérité et la sunna, ainsi que tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, provenant du livre d'Allah et de la tradition authentique de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et du même ordre, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trois choses qui, si elles se réunissent chez une même personne, cette dernière goûtera alors à travers elle à la douce saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soit plus aimé auprès de lui que quiconque, qu'il aime son frère en religion que pour Allah, et qu'il déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en est sorti, comme il déteste être jeté dans le feu. Voici donc trois choses que si elles se trouvent réunies chez toi, ce sera alors là un signe de la fermeté et du bon établissement de ta foi. En revanche, si tu venais affaiblir à ce niveau, ce sera alors là un signe de la faiblesse de ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun qul atu'allimun allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati. Certes, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui ne doutent point et qui combattent et luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dis, ô toi Muhammad, est-ce vous qui allez enseigner à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et Allah est savant à propos de toutes choses? Allah a donc parfaitement connaissance de la force d'une foi et de son ferme établissement, tout comme de son bas niveau et des doutes qui l'affectent. Parmi ces signes, il y a ainsi l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis, ô toi Muhammad, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez donc point. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Ces gens, les hypocrites, faisaient apparaître la foi, mais malgré cela, ils diffamaient et calomniaient sur Allah, sur sa religion, ainsi que sur son messager. Allah nous a ainsi exposés qu'il les démasqua et les humilia. Et il nous informa aussi qu'il ne faisait absolument pas partie de la religion d'Allah véridique, mais que ses agissements ne résultaient plutôt que de l'affaiblissement de la foi. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Également, le fait de propager le salam, la salutation religieuse, est aussi un signe apparent d'une foi forte. Si tu venais à constater en toi-même aimer passer le salam aux gens, et plus spécialement aux savants, comme l'a évoqué Ammar, trois choses font partie de la foi: faire des aumônes, bien qu'aimer l'argent, aimer saluer les gens de science, et être équitable avec sa propre personne. Ainsi, si ces trois caractéristiques étaient réunies en toi, ce sera alors là un signe de foi. En revanche, si elle venait à faillir et que tu constatais que tu manquais de droiture et d'équité et que tu ne passais que peu le salam à tes frères croyants et pareillement que tu ne dépensais que peu de ton argent et de tes biens dans le sentier d'Allah selon ta capacité, ce sera là un signe évident d'une foi basse. Juge donc et mesure toi-même selon le Coran et la Sunna en te basant sur ces choses importantes précédemment citées, tirées du livre d'Allah et de la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Et quand Allah est évoqué seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. En revanche, lorsqu'on évoque ceux qui sont adorés en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Il s'agit là d'un autre signe attestant d'une foi faible. Quand l'absence de l'évocation d'Allah, l'individu se réjouit, et que lorsqu'il entend le rappel, il ne se sent pas bien et n'est pas tranquillisé, tel un oiseau dans une cage, et il ne se sent pas apaisé. Alors que le croyant, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas à travers l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Impose donc à ta propre personne de faire leur appel aux muslimoun et de les conseiller dans le bien, car ceci fait partie de la foi, et notre religion toute entière est basée sur la foi ainsi que la sincérité. Toute la religion implique et est fondée sur la foi. La religion est basée sur le conseil. Les compagnons dirent: envers qui, ô messager d'Allah? Il dit: pour Allah, pour ses livres, pour ses prophètes, pour les gouverneurs des muslimoun ainsi que la masse des gens. Haï donc les mécréants pour Allah, parmi les juifs, les chrétiens, les hypocrites, les rawafid, les extrémistes chiites et tous ceux qui comme eux méritent de subir la colère d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala les a certes détestés et abominés dans son livre ainsi qu'à travers la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils méritent que ceux qui aiment Allah, son messager et la demeure dernière, les haïssent, car cela constitue l'anse la plus solide de la foi. Walhamdulillahi rabbil alamin.